Emmanuel Hogg, directeur de l'AFP et sa suite, ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le monument aux idées du Tse, l'arc de triomphe et le palais des sciences et techniques.